noir, je sais qu'il m'attend, qu'il m'entend, il se renforce à chaque battement de mon cœur douloureux qui se flétrit et se meurt. Maman, j'ai peur. Il me guette sans cesse entre tristesse et faiblesse. Il s'insinue dans chaque tournant de ma vie, tortueux sans amour et sans bonheur. Maman, j'ai peur. Ça y est, il est là, il est mon souffle et ma voix. Il m'enfonce plus bas que les fondements de cette terre accueillante. Mon corps pour mes sangs, je veux y descendre. Ça y est, il est là, il est mes yeux et mes bras. Il me traîne tel un petit pantin blanc de peur, de douleur, quand le rasoir glisse, essaye le cœur.